Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui, à Assemblage requis, Maître Michel Lebrun nous fait monter dans son panier à salade. David Ferron nous présente l'humoriste Eddie King. On est très kinky. Eddie Kinky. Bref. Kinky. Dans C'est un fait, Assemblage requis commence maintenant. Bon mardi matin, bienvenue à Assemblage requis. On se 11 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On t'en dirait des studios de CFO à Trois-Rivières, n'est-ce pas, François? Tout à fait. Oui. On est en plein, là. Là, là, là, là. Là, là, maintenant. Là, là, là. Puis, hein? Comment ça va aujourd'hui? Ça va pas pire, toi? Ça va bien. Ouais. C'est cool. Grosse soirée hier? Non. Vraiment pas. Non, en fait, j'ai niaisé sur les nouvelles intros des nouveaux chroniqueurs qu'on a cette semaine. Oh. Parce qu'on a vraiment un remaniement et un renouveau et une renaissance en termes de chroniqueurs cette session-ci. On aime ça, c'est bien. Donc des nouvelles intros? Oui, on est triste de perdre des anciens qui sont partis. Ouais, évidemment. Tout à fait. On les a déjà remerciés d'ailleurs. Mais cette semaine, oui, on va avoir Maxime Tanguay, un nouveau chroniqueur. OK. Qu'on connaît déjà du journal Zone Campus. Ben oui, certainement. Il va nous faire une chronique sur les groupes indie. Ça va être à partir de demain. OK. Et, ça s'appelle. C'est qui ce band-là? J'en ai aucune indie. Aucune indie. Oh boy. Carrément. Ça va bien. On a aussi Maxime Bilodeau à partir de demain. OK. À partir de demain à 8h30. Une chronique sur la culture sportive. OK. On va commencer avec le jus de betterave, c'est bien à la mode. OK. Ouais, il va nous faire goûter à ça, hein? Ouais. Je sais pas si ça nous tente tant que ça. Pas sûr. En tout cas, de la façon qu'il en parle, on devrait pas avoir hâte du tout. Non, c'est ça. Ce qui paraît, c'est très mauvais. Ouais. Mais bon, ça, c'est demain. Aujourd'hui, par contre, on a aussi un nouveau chroniqueur qui a commencé la semaine dernière. C'est Maître Michel Lebrun qui va être avec nous vers les 8h pour sa chronique juridique. Juridique, exactement. On a très hâte, d'ailleurs. La semaine passée, j'étais vraiment... agréablement surpris. Ben, pas que je pensais que ça allait être mauvais, tout. Mais je pensais pas être aussi fasciné par ce domaine-là. J'aime vraiment ça. Ensuite, à 8h30, on aura David Ferron et la continuation, lui qui est pas nouveau, mais on l'aime quand même, hein? C'est pas parce que t'es pas nouveau, quand même. Non, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il va venir nous présenter l'humoriste Eddie King, une entrevue. Oui, c'est le roi de la scène, c'est Eddie King. C'est le roi de la scène. Selon la critique. Et on va avoir des billets à faire tirer, d'ailleurs. Une chance. À 7h45, qui recevons-nous, François? À 7h45, on va recevoir Pascal Goulet qui va venir nous présenter le party de l'AGE. Oh, party de la rentrée. Je te dis, ben oui, exactement. Je te dis, Matt. Orange, Irish Bastards et puis Carl Wolf. C'est ça. Jeudi. C'est ça. Ici, au 10-12. Ici même. Gratuit, étudiant. Mais pour les étudiants seulement, pour les autres... Je pense que c'est 10h, mais écoute, Pascal Goulet va répondre à ça vers les 8h moins quart. Oui, les réponses à toutes nos questions, voilà. Et en tout début d'émission, on fera, dans quelques minutes, c'est un fait, version Kinky Sexy Time, et tu vas m'aider un petit peu, François, des fois, à trouver des termes moins... Moins explicites. Oh, bien dit. On débute avec Edward Sharp and the Magnetic Zeros et Man on Fire. Bonne émission. I'm a man on fire. Walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me. I want the whole damn world to come dance with me. Oh, come dance with me. Over murder and pain. Come set you free over heartache and shame. I wanna see your bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from. Yeah. over heartache and rage. Come set us free over panic and strange. I wanna see our bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from. Everybody want romance. Romance, love. Everybody want safety. Safety, love. Everybody want comfort. Comfort, love. Everybody but me. I'm man on fire, walking down your street. Surreal de Metric, une de mes pièces favorites de l'album. Oui. Dernier album, donc formidable. J'adore ça. Très, très, très, très bon. Donc, tout à l'heure, on entendra du Walk the Moon, mais avant ça, c'est... C'est un... Un... Fait! Ça, t'es le premier coup, t'es tellement meilleur que moi. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage Requis. Et aujourd'hui, en fait, on continue le spécial d'hier sur les jeux vidéo pour commencer. OK. Encore quelques petits faits de jeux vidéo. Formidable. Dans Metroid Fusion, il y a un endroit caché incroyablement difficile à atteindre. Et une fois que t'es rendu là, il y a un dialogue, une boîte de dialogue qui apparaît en bas de l'écran. Et c'est entre un ordinateur et une figure mystérieuse. Et ça termine par le message. Je me demande combien de gens vont voir ce message-là. sais, tellement que c'est dur à atteindre. Ils l'ont écrit dans le jeu. Mais c'est des jeux que je connais pas. Metroid Fusion. Je pense que c'est une extrêmement grosse série. Metroid. Faut le prononcer comme en français. Metroid. Ok. Bon. Ça, c'est au Nintendo. C'est sur plusieurs consoles. En fait, je pense que chaque génération de consoles depuis la Nintendo originale a eu une version de Metroid. Oh boy. Je vais faire attention. Mais je connais plus de noms que j'ai joué. Moi non plus, j'ai pas joué à ça. C'est pas mon genre de jeu du tout. Celui-là est mon genre de jeu. Dans Mario Kart 64, si tu laisses la musique à l'écran de résultat, louper 64 fois, faire la boucle 64 fois. Tu sais, quand tu réussis une course, il y a une petite musique qui joue, là. Ouais. En fait, on va pouvoir se garnir de l'entendre, exactement. Se garnir l'oreille. Donc, la petite musique, elle fait ça, même. OK. Ça, c'est la... Attends un peu. C'est ça. C'est ce qui arrive après la 64e fois. C'est une version remix du thème. Okay. Normalement, c'est pas ça. Oh boy. Mais c'est seulement quand tu l'as fait 64 fois. Voilà. Est-ce que la vraie? Je pars là-dedans. En tout cas. Mais c'est bon, j'aime vraiment beaucoup cette musique-là de Mario Kart. Et juste la musique de Mario Kart au complet, sérieusement, c'est tout le temps réussi à chaque fois. Il y a de la vidéo, une petite vidéo en fait de Sonic, le premier Sonic, caché à l'arrière-plan d'une scène dans le film Wayne's World. Et cette vidéo-là montre des ovnis dans Marble Zone, qui est un des tableaux dans Sonic. Et donc, c'est ce qu'on voit à l'arrière-plan dans Wayne's World sur une télé affichée. Et on voit un tableau de Sonic 1 avec des ovnis, ce qu'il n'y a pas eu finalement dans le jeu, ce qui a été enlevé finalement. Non, ouais. Quand même pas pire. Ensuite, dans le numéro de Nintendo Power, on a révélé que Shigeru Miyamoto a eu l'idée pour les Boo. T'sais, on en parlait hier aussi, les fantômes Boo dans Mario. Hein. Ouais. Bon, il a eu l'idée à cause de la femme d'un de ses collègues de travail. Takashi Tezuka, ça c'est le nom du gars, sa femme à lui. Donc, il était très gêné dans la vie, mais un jour, elle s'est vraiment fâchée très très fort contre lui parce qu'il était arrivé en retard du travail. OK. Donc, c'est de là qu'il a pris l'inspiration de quand tu te... Tu sais, quand un Boo, c'est quand tu te revires, il te court après, puis il te crie après, mais quand tu le regardes, tout gêné, puis les mains vont en face. Non, d'ailleurs, les Boo, à l'origine, dans les premières fois qu'ils sont apparus, ils s'appelaient Boo Diddley, qui est en hommage au chanteur de blues et guitariste Bo Diddley. Ah! Bo B.O. Ouais. Pas B.O. comme body odor. Non, non. Quand tu sens du... Jamais. B.O. C'est le fun de Mario Kart qui continue en arrière, j'adore ça. Dans Harvest Moon, More Friends of Mineral Town. Celui-là non plus. C'est un jeu, ça? C'est un jeu avec un très long nom. Boy. Si tu regardes la télé, dans le jeu, tu peux regarder la télé, à 4h44 du matin ou de l'après-midi, ça va faire que le chiffre 4 va apparaître à l'écran tout plein de fois. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et c'est sûrement, on dit, c'est pour faire peur aux gamers japonais. Parce que 4 est souvent prononcé « chi » en japonais. Et « chi » est aussi le mot pour la mort. Donc, quand tu regardes la télé à 4h44, tu flashes des 4 dans l'écran. Non! Ça fait peur. Le système de combo dans Street Fighter 2. Tu sais, Street Fighter 2, tu peux faire plusieurs moves en même temps. En fait, c'était un bug au départ. Ça permettait aux joueurs... en fait, le bug permettait aux joueurs d'annuler une animation et faire un autre move à la place, ou en tout cas à la suite de l'autre. Tu pouvais faire des combinaisons et des moves spéciaux. Et ce système de combo-là, qui était à la base un bug, a été adapté en tant que formule standard des jeux de combat. En fait, pas mal tous les jeux de combat font ça. Et puis, même dans les Street Fighter suivants, on a continué la tradition. Eh bien. Dans Chrono Trigger, après avoir battu le jeu, t'as l'option de rejouer le jeu au complet en utilisant tout ce que t'as acquis ou acquéri. J'ai toujours la misère avec ce mot-là. Au cours du jeu? Au cours du jeu. Tout ce que t'as réussi à attraper et à avoir dans ton arsenal. Encore un autre mot que j'aurais pas dû utiliser. C'est ça quand je traduis les articles. Non, mais ce que t'as ramassé pendant le jeu. Ben c'est ça. Donc, si tu retournes au début du jeu et que tu vas tout de suite battre le monstre de fin. Okay. Hein, tu peux faire ça dans le fond. Tu peux rejouer tout le jeu au complet si tu veux, mais si tu vas directement battre. Ah, ben, Colin, la musique de Mario, chose 64 est finie. Ça fait triste. Donc, si tu retournes battre le monstre de la fin du jeu, tu vas rencontrer les développeurs du jeu à la fin des temps. Donc, ils ont vraiment dessiné les créateurs du jeu, les développeurs du jeu, et tu vas les voir dans le jeu. Sonic Adventure 2. Tu connais Sonic Adventure 2? Ouais. Bon. Ça a été commandité par une compagnie de souliers, la compagnie Soap. Et c'est pour ça que les souliers de Sonic sont différents dans ce jeu-là. Et en plus, la gimmick de Soap, c'est que tu peux descendre sur des rails d'escalier, mettons des choses d'escalier, là, une rampe d'escalier sur des rampes. Tu peux descendre avec ces souliers-là, c'est leur marque de commerce à Soap. Et donc, dans le jeu Sonic Adventure 2, Sonic pouvait faire ça. Okay? Et même quand le contrat s'est terminé et que Soap n'était plus commanditaire des autres jeux après, Sonic continuait à pouvoir avoir cette cette capacité-là de descendre des rangs d'escalier s'est rendu même un classique de la série Sonic. Eh bien, ça vient d'une commandite. Ensuite, dans Silent Hill Shattered Memories, ton personnage a un téléphone qui, dans le fond, qui peut t'aider à naviguer dans le jeu. Et si tu entres le numéro de téléphone du soutien technique ou du service à la clientèle de Konami sur le téléphone, on va t'envoyer à un opérateur, en tout cas, un enregistrement d'un opérateur qui, en fait, c'est même pas sa voix, c'est un texte qui est écrit à l'écran, en tout cas, selon ce que je vois ici. Et l'opérateur dit, même nous, on n'est pas capable de vous aider. Parce qu'il voit que t'es dans Silent Hill et ça écrit en bas, genre, notre identificateur, identification d'appel nous dit que vous appelez de Silent Hill et même nous ne pouvons pas vous aider. C'est Konami qui dit ça, c'est cool. Luigi's Mansion, c'était le premier titre sur la Nintendo GameCube, en tout cas un titre de lancement de la Nintendo GameCube. C'était supposé être un jeu en 3D. Et d'ailleurs, tous les systèmes de Nintendo GameCube supportent l'affichage en 3D stéréoscopique, mais ils ne l'ont jamais mis. Dans le fond, tu peux pas le faire, mais la capacité est là dans la console, finalement. Donc, Nintendo a décidé de ne pas focusser sur le 3D à cette époque-là. Et évidemment, eux, ils voulaient faire du 3D, mais finalement, ils ont attendu à la Nintendo 3DS avant d'en faire. Et là, c'est évidemment, si on saute la Virtual Boy bien avant ça. Hey, c'est vrai. J'avais oublié que ça existait. C'était super cool. Ça, c'était des lignes rouges, hein? Oui, c'était rouge et noir. Pas beaucoup de jeux. Pas beaucoup de jeux. Très cher si vous en cherchez une dans les magasins du ouais, Asie. Ça existe. Ça existe encore? Ça se trouve. Ouais. T'en as-tu une? Non, j'aimerais ça. Oh, j'aimerais ça. Avoir mal à la tête avec ça. Oh, Colin. Avoir mal à la tête avec ça. J'avoue que c'est un peu ça que ça donne. Hein? Mais c'est parce que tu l'as directement sur les yeux. C'était un genre de comme de kaléidoscope que tu te foutais dans les yeux. C'est quoi les jeux que t'avais avec ça? Je sais qu'il y avait un jeu de tennis. Il y avait un jeu de Wario aussi. Des trucs comme ça. Non, c'est quand même pas si pire, mais... Ouais. C'est tu dis. Mais moi, ce que j'aimerais, et je trouve qu'ils devraient vraiment, et j'espère qu'ils vont le faire, c'est de sortir les jeux de Virtual Boy sur la 3DS, parce que la console virtuelle, dans le magasin de la 3DS, tu peux aller acheter des jeux de Game Boy, des trucs comme ça. Donc, s'ils pouvaient sortir les jeux de Virtual Boy là-dessus, sur la console 3DS, même si c'était rouge, ou même s'ils voulaient faire un genre de mode classique rouge et noir, et puis un mode genre remodelé. Tu sais, il n'y a pas tant de jeux que ça, fait que refaites-les, genre remasterisez-les avec les graphiques de la 3DS, ça serait vraiment génial. Mais bon, donc c'est ça. Le prochain Luigi's Mansion, il y a une suite qui sort à ça et c'est sur la 3DS. Donc, enfin, Luigi's va être en 3D comme il aurait dû l'être. Voilà. Il nous en reste deux derniers. Les développeurs de Kirby's Dream Land 2 sur Game Boy, l'original, ont fait un dessin, disons, plutôt cru. Mais en même temps pas très très réaliste d'une femme nue dans le niveau Red Canyon 5.5 et pour voir la femme nue, entre guillemets, il faut vraiment coller les écrans un après l'autre parce que les écrans c'est très très très petit, il n'apparaît pas grand chose dessus. Si t'en colles plusieurs comme ils ont fait sur l'image sur assemblagerequis.com, en les collant t'as deux yeux, une bouche, un genre de 3 mais qui fait comme des seins avec un point dans le milieu de chaque bande. Et en dessous, un Y que je vous laisse deviner. Et il est plus bas. Et entre les seins et je vous laisse deviner, il y a un point qui représente le nombril. Voilà, je viens juste de le voir, le nombril, c'est pour ça. OK. Il est là, ça. Mais j'avoue que, en tout cas, à moins que ce soit pas voulu et t'sais, que ce soit genre du subconscient, ça a l'air de ça. Pas mal sûr que c'est ça. Et Sonic the Hedgehog, à l'origine, était supposé avoir une copine humaine. Tu sais, Sonic the Hedgehog, c'est un porc-épic. Hein? OK. Il est bleu. Sonic. Sonic. Ouais. François. C'est un porc épic. Ouais, c'est là, épique, ça. Ouais, c'est tu dis. Mais il était. Sonic, c'est la mascotte de Sega. Non, je sais, mais ouais, un porc épic. Je sais pas. Je m'étais comme jamais arrêté à penser. Ah, ça, j'avoue qu'il n'a pas l'air d'un vrai porc épic. Ouais. Hedgehog, c'est bien porc épic. Hein? Je pense que c'est un autre mot que ça. C'est pas un porc épic. Attends un peu. Je l'ai. C'est quoi? C'est long. Un hérisson, voilà. Ah, mais hérisson puis porc épic, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Comment ça fait que je vois des porcs épics quand je tape hérisson sur Google Images? Mais bon, c'est ça, il était supposé avoir une copine humaine qui s'appelait Madonna. elle aurait poursuivi Sonic pendant tout le jeu. Un peu comme Rose, Amy Rose le fait plus tard dans la série Sonic, pour ceux qui ont suivi Sonic pendant plus longtemps que juste le premier. Donc, Amy Rose. Voilà pour le blog jeux vidéo. Dans quelques secondes, on revient avec C'est un fait... Kinky, Sexy, Time, Edition. Edition. Pour l'instant, c'est Walk the Moon et Quesadilla. I must have tumbled out of a plane, 'cause I free fell all year. My chute is blooming out like spring.

Le filet et l'abîme de Vanessa Pariétaire à Assemblage Requis. C'est la fin de notre première heure. Il nous en reste une deuxième. Dans quelques minutes, on parle avec Michel Lebrun. Et pour sa chronique judiciaire, panier à salade. Ça en vient de tout à l'heure. On a aussi David Ferron avec La langue dans ton oreille. Lui qui va nous faire une entrevue avec Eddie King, l'humoriste. On va faire tirer des billets. Ou que oui, reste avec nous. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Juste un petit peu avant 8h. Ah! Une petite minute. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mardi 11 septembre 2012. Oui! Date, hein? C'est une date, ça. Que tout le monde dit. C'est une date importante. Date. C'est une date. What's that? What's that? Eh oui! What's c'est that? Ça. Okay. Donc, on continue avec la chronique judiciaire et François, Mathieu. Tu veux l'intro? Oui. Pour l'accueillir. Donc, voici hey. Michel Lebrun et son panier à salade. Attention! C'est bien épique. C'est épique. C'est quand ça se passe des cloches, c'est assez fabuleux. C'est sérieux? Oui, on aime ça? C'est presque sacré. Je pensais entendre des sirènes à un moment donné. J'y pensais, mais je me suis dit, sirènes, c'est... Je veux pas être trop évident dans mon affaire. Sirène, non? Non, c'est bien. Tu voulais pas vous me dire. Donc, Michel Lebrun, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Très bien, merci. Très, très bien. Donc, en fait, ce matin, chronique juridique, on parle... Ben, peut-être d'erreur judiciaire. Okay. Je pensais, peut-être vous parler. Vous savez, la semaine dernière, je vous parlais de l'importance que ça avait pour moi, le fait de d'avoir un certain système de justice, le fait de juger les gens avant de les condamner et de respecter certaines règles. Puis, en fin de semaine, on a entendu parler d'un film qui va sortir bientôt, qui est sur un cas vécu, l'histoire de Michel Dumont. Il y avait une entrevue avec le réalisateur Pods dans le Nouvelliste de samedi, qui racontait un peu comment il avait été fasciné par l'histoire d'une erreur judiciaire. Et on pense que le système est tellement... que le système est infaillible. Est infaillible. On a des émissions maintenant comme CSI où on voit des gens qui, à partir d'une fibre de tissu, peuvent remonter, de trouver des coupables. On a des psychologues qui sont capables de rentrer dans le cerveau des suspects, puis tout ça est présenté comme une espèce de science infaillible. Par contre, je dois vous dire que c'est très fragile. Ce qui conduit à la condamnation de quelqu'un, c'est une série de gestes à partir de la commission d'un crime, l'enquête, le procès, l'intervention des procureurs de la couronne, l'intervention des avocats de la défense, puis... même avec des gens bien intentionnés, on peut se laisser prendre au jeu. Parfois, ben, ça va être les policiers qui vont être tellement convaincus de la culpabilité de quelqu'un qu'ils vont peut-être, sans nécessairement fabriquer des preuves... Bâcler un peu. Là. Peut-être bâcler leur enquête. Et on a une série de cas. Et l'affaire de Michel Dumont en est une affaire qui est fort simple. Dans le fond, c'est une dame qui affirme avoir été victime de viol. Ça se passe dans les années 90. Et elle se... Elle porte plainte deux jours après l'événement qui serait arrivé où elle a été victime d'agression sexuelle par un inconnu. Alors, on fait ce qu'on appelle un line-up en bon français, une parade d'identification. Avec des suspects potentiels. On appelle ça une parade photographique. C'est pas comme on voit dans les films avec des gens qui sont vraiment présents, mais on montre une série de photos à la personne. Ça, c'est des gens qui ont déjà été accusés, je présume? Ben, on sait. Normalement, on peut en mettre plusieurs, mais si on a, par exemple, un suspect, parce que là, il y a un portrait robot qui avait été fait au départ de la personne, et environ un mois plus tard, les gens appelaient pour dire que le dénommé Michel Dumont ressemblait au portrait robot qui avait été publié. Alors, on met sa photo au milieu d'une série d'autres photos. Il y a certaines règles qui doivent être respectées là-dedans. Je ne sais pas si elles l'ont été dans ce cas-là, mais toujours est-il que la dame reconnaît le fameux Michel Dumont, qui se trouve être une personne qui demeure pas loin de chez elle, qui aurait peut-être eu l'occasion de commettre le crime. Donc, on suspecte cette personne-là. On va le voir. Les policiers le rencontrent, lui demandent ce qu'il faisait le soir du crime en question. Il dit, là, il faut qu'il revienne dans le temps parce qu'il remonte un mois en arrière. Non, c'est sûr. Et on ne s'appelle pas tout ce qu'on a fait il y a un mois. Là. Ben, exactement. Alors, lui, ce qu'il répond, c'est qu'il est allé rencontrer sa femme à l'hôpital. Alors, les policiers font des vérifications, puis ils se rendent compte que sa femme est allée à l'hôpital la veille de l'infraction. Donc, c'est suffisant pour eux pour se dire que le monsieur fabrique son alibi. Donc, on procède à son arrestation et là, il y a un procès qui est fait. Il y a une enquête préliminaire et la personne qui est la victime l'identifie. Il n'y a pas d'autres preuves, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas quoi que ce soit parce que la dame s'est lavée, elle a pris une douche. Ouais, donc, deux jours après, j'imagine. Deux jours après, puis elle avait même nettoyé, en fait, la scène de crime parce que, à cause un peu du traumatisme. Donc, monsieur clame son innocence, arrive avec un nouvel alibi, c'est que là, rendu à l'enquête préliminaire, il se rend compte que, c'est vrai que l'histoire d'hôpital, ça fonctionnait pas. Donc, il dit qu'il jouait aux cartes avec quatre de ses amis qui viennent témoigner pour dire que ce soir-là, il jouait aux cartes. Bon, par le jeu du contre-interrogatoire, ces gens-là, la juge qui entend le procès, ne leur accorde aucune crédibilité. Les gens se contredisent. C'est des choses qui arrivent aussi. C'est pas toujours. Tu remontes en arrière. Puis raconter dans le menu détail ce qui s'est passé cette soirée-là. Toujours est-il que monsieur continue à clamer son innocence. Il est condamné. Il est condamné à une peine de 52 mois d'emprisonnement et qu'il a purgé, le deux tiers. Je pense que ça fait à peu près 34 mois, si je sais bien compter. Et. Il n'y a jamais eu droit à libération conditionnelle parce que lorsqu'on prétend être innocent d'un crime, lorsqu'on passe devant des commissions, par exemple, après un tiers de la sentence... On se reconnaît pas coupable. Est-ce qu'on a des remords? Est-ce qu'on a compris? On est considéré comme coupable. Donc, lui a purgé ce qu'il y a de pire comme sentence. Dans le fond, en maintenant son innocence, ben, il n'a pas eu droit à libération conditionnelle. Il a été mis dans la population carcérale comme étant un agresseur sexuel. Il ne voulait pas être considéré comme un agresseur sexuel, donc il n'a pas demandé de protection spéciale. Il dit qu'il a été battu même en prison. C'est atroce, là. Et par la suite, ce qui est peut-être un petit peu... Et il y a toujours une faille qui peut expliquer une erreur. La dame qui était victime, un peu après sa condamnation, ou à l'époque du procès, affirme avoir vu quelqu'un dans un club vidéo, puis elle pense avoir reconnu l'agresseur, puis là, elle commence à avoir un doute. Que c'est donc, pas le Dumont. À l'effet, que ça serait pas M. Dumont. Et là, cette dame-là rapporte ça aux policiers. Les policiers rapportent ça au procureur de la poursuite, et là, il n'est rien arrivé avec cette nouvelle allégation de la plaignante. Assez importante. Et qui était assez importante, effectivement. C'était tellement enclenché qu'il ne voulait pas... Là, le dossier s'est retrouvé devant la cour d'appel et l'avocat qui est aujourd'hui décédé de M. Dumont s'est retrouvé... Prétend qu'il n'a jamais su. En tout cas, ce que M. Dumont prétend, c'est que lui-même, M. Dumont, n'a jamais été informé par son avocat de cette nouvelle information-là. Et... L'avocat en question, qui est décédé aujourd'hui, le procureur de la Couronne prétend lui avoir dit. Donc, il y a comme une espèce de zone grise là-dessus. Toujours est-il que M. Dumont, son appel a été rejeté à la cour d'appel. Il a purgé sa sentence. Et je dirais, dans les années... Lorsqu'il a fini par apprendre que cette dame-là avait ces doutes-là, il y a une demande qui a été faite. Et par l'entremise un peu des médias et les politiciens ont été mis au courant de ça. Et le ministre de la Justice a demandé à la Cour d'appel de reconsidérer le dossier. Et finalement, à la lumière de ce nouveau témoignage-là, M. Dumont a été acquitté. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans? Peut-être un petit peu d'incompétence, un peu de négligence, peut-être au niveau de la communication des renseignements qui était assez crucial dans l'histoire. M. Dumont a poursuivi le gouvernement et a demandé à être compensé. Et il a perdu. Il a perdu? Ce que le juge... c'est quand même assez... c'est un peu troublant d'apprendre ça, c'est que la loi en matière civile, au niveau de recours en dommages, c'est à l'effet que... Faut l'accuser un autre, non? Non, c'est-à-dire que... on dit le procureur de la couronne a bien fait son travail. Il y avait des éléments de preuve suffisants pour porter son accusation. C'était pas criminel de porter des accusations dans un cas de main. C'était pas de la fraude. C'est pas pour condamner un innocent. Le procureur a fait son travail. Donc, ça laisse M. Dumont, et ça, c'est assez troublant de l'apprendre, sans recours. Il semble qu'il y aurait une convention internationale, et c'est ce que M. Dumont disait, où des gens qui démontrent leur innocence devraient être... Dédommagés. Puis le Canada aurait adhéré à cette convention-là, mais ça ne s'est pas traduit en loi au Canada. Donc, le juge a refusé de ce que le juge, au niveau civil, nous apprend, c'est que... c'est tough luck, je dirais. C'est, si la police a bien travaillé, si vous êtes innocent, ben les années que vous avez passées en prison ne devraient pas être dédommagées. C'est dommage pour toi, genre. Dommage pour toi. Hey, c'est incroyable. Mais il y a eu des cas beaucoup plus, encore plus graves que ceux-là. Plus longtemps. Peut-être que le cas le plus connu au Canada, c'est l'histoire de l'affaire Milgaard. David Milgaard est un jeune de 16 ans qui, c'est une histoire, c'est un meurtre assez sordide qui était survenu à Saskatoon en 1968. Et le jour du meurtre, M. Milgaard, c'était un marginal, c'était un hippie, il consommait de la drogue. Et lui et deux de ses amis, un homme et une femme, à peu près de son âge, décident d'aller faire un tour. Ils veulent aller à Vancouver, en fait, puis ils partent de Regina, s'en vont à Saskatoon, chez un de leurs amis. Et ils cherchent la résidence de leur ami, ils trouvent pas la résidence. Il demande des informations à une dame, là, et il fait très froid cette journée-là. Ils sont dans le véhicule de l'ami, M. Wilson, là, qui est l'ami de M. Milgaard. Et à un moment donné, le véhicule reste pris dans la neige, et là, la dame qui est avec eux reste dans le véhicule, et M. Wilson, M. Milgaard, partent chacun de leur bord pour essayer de trouver quelqu'un pour les aider. Ce qui a été la malchance de M. Milgaard, c'est que à ce moment-là, il y a un meurtre très sordide qui est survenu. Une dame qui a été... c'était aux petites heures du matin. Là, il était peut-être 6h30, 7h le matin. À peu près à la même heure, il y a une dame qui a été attaquée, qui a été violée, qui a été poignardée. Mais pas leur amie. Pas la fille qui était dans la... Non. C'est pas du tout. Et je dirais, je ne vais pas en tous les détails, mais de fil en aiguille, la personne chez qui M. Milgaard allait, qui est un genre d'itinérant aussi, qui quelques mois plus tard se fait arrêter par la police, puis dit, écoutez, puis ce meurtre-là qui n'est pas résolu encore, fait les manchettes, et puis les policiers, tous les gens qui demeurent qui ont un lien avec ce quartier-là, ou le quartier où est survenu ce meurtre-là, font l'objet d'une attention particulière, évidemment. Et la personne qui est arrêtée pour vagabondage, qui demeurait dans ce quartier-là, dit « Oui, il me semble que quand M. Milgaard est arrivé chez nous, il y avait peut-être du sang sur ses pantalons, quelque chose comme ça. » Donc, les policiers commencent à avoir un certain intérêt pour M. Milgaard. Par contre, il y avait eu 3 ou 4 agressions sexuelles au couteau dans cette région-là. Et au départ, les policiers se disaient « C'est peut-être la même personne qui a commis ce meurtre-là, compte tenu que il y avait un modus operandi qui était assez similaire. Et M. Milgaard ne pouvait pas être la personne qui avait commis ces agressions-là parce que son alibi était en béton armé pour les autres infractions. Fait que il y a ce fameux moment-là où M. Milgaard est allé chercher de l'aide pour désenliser son véhicule. Les policiers, dans leur enquête, finissent par rencontrer les deux personnes qui étaient avec lui dans le véhicule, la dame et l'homme. Leurs premières déclarations sont claires à l'effet que s'ils l'ont perdu de vue pour à peu près 2 minutes, ce qui est absolument pas suffisant pour commettre le crime. Mais À force que l'enquête progresse, les policiers finissent par focusser sur M. Milgaard. Et il y a une pression, je dirais, pour trouver un coupable. Et compte tenu du caractère marginal de ces 3 personnes-là, on décide de lancer une deuxième offensive, je vous dirais, et de conduire des interrogatoires un peu plus musclés des 2 témoins en particulier qui fait avec M. Milgaard. Et soudainement, leur version change après un interrogatoire par un policier qui, sans les menacer, a été assez insistant, les a tenus les a même gardés au poste de police pour coucher dans des cellules, sans être vraiment arrêtés. Et finalement, leur version change et la dame... Et pour les policiers, c'est peut-être de bonne foi, ils se disent, ils nous cachaient quelque chose, ils ont fini par avouer, donc on est content, on peut arrêter M. Milgaard. La dame finit par dire, je l'ai vu, elle signe une déclaration disant, il est parti une 15aine de minutes, Et je l'ai vu revenir, il y avait du sang sur lui, il y avait un couteau qui ressemblait au couteau de en tout cas, les déclarations deviennent se gonflent subitement et permettent aux policiers qui étaient de plus en plus convaincus que c'était M. Melgard qui avait commis le meurtre et qui cherchait de plus en plus à trouver un coupable. On dirait que l'espèce de vide, ce qui leur manquait, ils l'ont un petit peu provoqué en faisant des interrogatoires un peu insistants de ces personnes-là. Donc, M. Melgard est condamné à son procès. Il a 16 ans. À l'époque, il était jugé comme un adulte parce que c'était les lois de l'époque. Donc, il est condamné à la prison à vie. Sa mère, ce qui allume un peu... Bon, sa mère a toujours cru son fils, et je pense que c'est souvent le cas. Elle part une campagne un peu pour défendre son fils. Elle cherche des appuis. Mais il y a un appui fort important qui survient, c'est qu'une des personnes... ça, c'est arrivé en 1968. Le procès survient l'arrestation en 69 et la condamnation arrive en 70. Plus tard, en 70, il y a dénommé Larry Fisher qui est arrêté dans la région de Winnipeg pour une agression sexuelle commise avec un couteau. Et il est condamné à une peine assez importante, une peine d'à peu près une dizaine d'années. Et on se rend compte que ce M. Fisher-là demeurait exactement dans le quartier où les agressions avaient été commises et où le meurtre pour lequel M. Melgard avait été accusé, avait été commis. Donc, pour la mère, ça devient tout de suite le suspect et elle s'accroche beaucoup à la théorie voulant que ce soit M. Fisher qui a commis ce meurtre-là. Et ça fait du sens. Là, il faut voir que pendant les 20 années qui vont suivre, de 1970 jusqu'en 1990-91, la résistance du système judiciaire à endosser, en fait, la théorie de M. Melgard a été constante. M. Fisher a été libéré après avoir purgé sa peine au début des années 80 et je pense que quelques mois plus tard, il était à nouveau arrêté parce qu'il avait commis une nouvelle agression. Donc, on voit que c'était un genre de prédateur assez... et en 1991... suite à des pressions politiques, il y a Radio-Canada une émission qui s'appelle The Fifth Estate, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du journalisme d'enquête. C'est un peu comme l'émission Enquête ici en français. Et qui fait un travail vraiment colossal pour ce genre de dossier-là et qui a fini par appuyer un peu la démarche de Mme Melgard. Et ça a conduit la ministre de la Justice, après une deuxième demande, à référer le tout à la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada a dit « Ah, M. Melgard a eu un procès équitable, puis c'est probablement lui, mais il y a des preuves qui sont peut-être un peu douteuses maintenant parce que les deux personnes qui accompagnaient M. Melgard dans la voiture avaient rétracté ce qu'il disait au premier procès. Il disait « Non, c'est pas vrai, là, on l'a jamais perdu de vue, donc ça serait impossible qu'il ait commis une meurtre. » Donc, par la petite porte, je vous dirais, la Cour suprême en 92 conseille au ministre de la Justice de Saskatchewan, où est arrivé ce crime-là, de peut-être Rouvrir le dossier, peut-être faire un nouveau procès ou à tout le moins abandonner les charges compte tenu que ça fait 23 ans que M. Melgard est détenu. Il est encore en prison, là. À ce moment-là, le ministère de la Justice décide de libérer M. Melgard. Par contre, c'est à la fin des années 90, avec les nouveaux tests d'ADN, on retrouve et on confirme que c'est M. Fisher qui a commis le meurtre. M. Fisher a été condamné en 2003 pour le meurtre pour lequel M. Melgard avait purgé 23 ans de prison. C'est quand même... c'est arrivé là. Il y a une autre histoire qui est l'affaire Marshall en Nouvelle-Écosse où c'était un Autochtone qui a passé 11 ans de prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Ces gens-là, eux, ont été dédommagés. Je pense que M. Melgard a reçu 10 millions de dollars. Pour 23 ans, je pense que ça pouvait justifier. Ouais. L'histoire est assez ironique parce que M. Melgard, qui a été interviewé récemment, dit avoir perdu tout cet argent-là dans le crash boursier de 2008. C'est triste, mais bon, ça arrive. Mais M. Marshall, lui, qui était un Autochtone, qui avait passé 11 ans pour un meurtre en Nouvelle-Écosse, lui aussi a été dédommagé. Mais... je crois qu'on avait coupé le dédommagement. Je pense qu'on avait calculé que ça valait 1 point quelques millions, mais on avait coupé le dédommagement en deux sur le principe que monsieur avait été quand même logé nourri pendant 11 ans. Bon. On gratte les scènes pour y enlever un petit peu. Logé nourri en prison. Là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'erreurs judiciaires et ça dépend souvent des... ça peut être de l'incompétence, souvent quelqu'un qui était mal représenté. Monsieur Melgard n'a pas témoigné dans son procès. Il n'y avait pas... Son avocat... avait jugé qu'il y avait des choses à répondre sur son mode de vie, sur le fait qu'il consommait de la drogue, sur des commentaires qu'il avait faits sur ce meurtre-là quand il avait su qu'est-ce qu'il en était, auxquels il aurait de la difficulté à répondre. Donc, il avait choisi de ne pas présenter sa version au jury. Et ça peut avoir été peut-être mal perçu au niveau du verdict et tout ça. Mais on en voit encore récemment, je vous dirais, depuis l'arrivée des tests ADN aux États-Unis, il y a des gens qui étaient condamnés à mort, qui ont été exonérés. Une chance que ça existe pour vrai. L'ADN. Une chance qu'on a ça, l'ADN. Oui. Tout le monde avait toujours ça avant, mais une chance qu'on a la science pour pouvoir... La science, effectivement, peut sauver, peut exonérer des innocents. Par contre, et j'ai hâte de voir, d'ailleurs, il y aura maintenant, pas une faculté, mais un cours qui va donner à l'UQTR en criminalistique. Mais il y a des exemples, je dirais, contraires, où on s'est servi de la science, où on a exagéré le pouvoir de la science. C'est arrivé en Ontario récemment, le chef pathologiste, donc un médecin qui pratiquait des autopsies, particulièrement sur des enfants, sur une période de 20 ans, il a été révélé qu'il a fabriqué des témoignages et qu'il a inventé des preuves dans la mesure où les policiers croyaient, par exemple, qu'un bébé avait ce qu'on appelle le bébé secoué, que des enfants étaient décédés suite à des gestes des parents. Ce pathologiste-là, pendant des années, a littéralement fabriqué des conclusions pour amener des condamnations. On parle d'une vingtaine de condamnations, particulièrement des femmes qui étaient accusées d'avoir tué leur enfant. Mais ça lui apportait quoi à lui? C'était juste qu'il n'aimait pas les femmes? Fait qu'il s'est dit... Je pense que c'est plutôt des bonnes intentions mal placées. Okay. C'est que les policiers se convainquent de quelque chose et l'expert en question, le pathologiste, se sent obligé d'appuyer cette conclusion-là. Ah, ouais. On dit... veut bien paraître. Le gros problème, c'est quand on pense savoir quelque chose puis qu'on pense qu'il nous manque un petit détail, il nous manque une petite preuve. C'est facile de vouloir le fabriquer pour faire condamner un coupable, mais parfois, justement, ça... Et là, qu'est-ce qui va se passer avec ça? J'imagine que, les autopsies sont faites, les cadavres sont enterrés. Justement, il y a une commission d'enquête en Ontario qui se penche là-dessus. Il y a 200 dossiers qui sont réouverts. Il y a des gens qui étaient vraiment coupables aussi là-dedans. J'imagine, bon, c'est ça? C'est un travail qui est monstrueux, là, de cas par cas. Exactement, pour déterminer qu'est-ce qui a entraîné... Est-ce que c'est juste ça qui a entraîné la condamnation ou est-ce qu'il y a d'autres preuves qui est crédible? Mais c'est toutes des choses qui surviennent encore dans nos années. C'est pas des affaires des années 1800. Là. Quand on s'enthousiasme ou lorsqu'un crime grave survient, l'affaire de Guy-Paul Morin aussi, l'affaire de Morin en Ontario, c'est un crime d'enfant. C'est un enfant qui avait été tué, enlevé et tué. Et le voisin, qui s'appelait Guy-Paul Morin, qui avait des problèmes de schizophrénie, problèmes de santé mentale, a été vite ciblé par les policiers. Et là, on a eu des ce qu'on appelle des profilers, là, des gens du FBI qui disaient que son attitude, son regard, lorsque les policiers l'ont confronté au départ, démontrait... Là encore, on a eu recours à de la pseudo-science, je vous dirais. Et il y a autant de dangers. Je pense qu'il faut vraiment être rigoureux parce que l'absence de science, ben, évidemment, c'est une grosse faiblesse du système, mais même on peut, sous couvert de science, je vous parlerai peut-être à une autre occasion de comment on teste du sang ou de la laine, ne serait-ce que pour des dossiers d'alcool au volant, la rigueur est essentielle et dès qu'on ouvre une petite porte, ben, il y a des innocents qui sont condamnés. S'il y avait une personne sur 1000 qui était condamné, qui est innocente, il y aurait des centaines de personnes au Canada qui sont en prison pour rien. Et c'est des humains qu'il faut, tu sais. Oui, oui, puis t'as une vie, là, ça brise ta famille et ta femme. Écoute, elle sait plus ce qu'elle croit. C'est un désastre. Des gens détruits. T'as plus de travail, écoute, puis l'estime de soi, puis la confiance, oublie ça, c'est fini. Imaginez, comme Morin qui a été exonéré lui aussi par l'ADN. C'est hallucinant. A été considéré comme un tueur d'enfants. Allez, c'est ça. Écoute, t'as pas de vie, tu te fais brasser la cage en prison. Oui, complètement. C'est atroce. Moi, ta chronique me donne envie de trois choses. Évidemment, entendre ta prochaine chronique. écouter Canal D plus souvent. Et aller voir Québec en crime. Pas besoin, c'est exactement ça. Et voir Québec en crime, j'ai lu un article là-dessus sur la banque aussi. Ouais, au musée. Exactement. Ici. Ça me fascine tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, Michel Lebrun, on vous retrouve la semaine prochaine, c'est mardi à 8h. Merci beaucoup. Pour notre chronique. Merci. Ça fait plaisir. On se quitte avec du Bob Dylan que vous avez apporté ici en studio. On écoute l'extrait Hurricane et ça parle de... Ça parle de Hurricane Carter, qui est un boxeur noir qui a été faussement accusé de meurtre dans les années 60. Et Bob Dylan a fait une chanson là-dessus. On l'écoute. Assemblage Rocky. Merci encore. Fellow, you'll be doing society a favor. That son of a

C'était le groupe français Eiffel avec la chanson « Nous sommes du hasard » tirée de l'album « À tout moment » sorti en 2009. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. C'est bien. Bien. Ouais. David Ferron. Oui. On te retrouve la semaine prochaine. C'est mardi à 8h30 pour notre chronique La langue dans ton oreille. Oui, d'ailleurs, pour une éventuelle chronique, j'ai un scoop à vous annoncer. Arrête ça. Oui. Rêve comme ça, là. Oui. À froid comme ça. Là. Oui. Vas-y, OK. Je suis pas prêt. Non, non, c'est ça. Vas-y. Est-ce que vous voulez qu'on mette une autre tune puis je l'annonce à non, la fin? Non, pas le temps. Non? tout. Ben, en fait, ça se peut que je fasse ressusciter Simon Fitzbé à l'émission. Comment ça? J'en dis pas plus. Ben non. Arrête donc ça. Live, là. J'en dis pas plus. Il va venir dans le studio, là. J'en dis pas plus. Tu savais qu'il y en avait beaucoup, ces épaules, Simon, cette session-ci. J'en dis pas plus. Tu l'as convaincu. Est-ce que t'en dis un petit peu plus? Non. Hors onde, d'accord. Ben, tant mieux si ça fonctionne. Eh hey, ouais, ça serait le fun. Je sais pas quand est-ce que... Je pense qu'il nous écoute en ce moment, d'ailleurs. Là. Ouais. On l'invite, hein? La porte est débarrée tout le temps. Ouais, viens, oui, viens, Simon. Viens. Ah, il est pas encore là, non, mais... je pense qu'il est chez eux. Je sais pas quelle forme Simon va prendre, mais vous allez l'entendre. OK, bon, j'ai bien hâte de voir ça. Merci, David Ferrand. Ben, bienvenue. À la semaine prochaine. Nous, on transitionne, François-Olivier. On va faire la deuxième partie qu'on a promis tantôt de C'est un fait. Kinky! Kinky Sexy Time Edition! Donc, c'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. Et François, tu vas m'aider un petit peu des fois que j'ai. On va trouver des termes un peu plus. Moins osés. Ouais, moins osés, OK. Moins osés. OK, on va essayer. David est là. Oui, David est resté aussi. Avec nous. Ah, rebonjour. Salut. Donc, pendant la Renaissance, la période de la Renaissance, c'était populaire en Espagne d'avoir des seins en forme de cône. OK. Ceux-là, ils étaient pas très salés. Je l'avoue. Au Moyen-Âge, les gens préféraient de petits seins. Donc, les femmes portaient des corsets pour aplatir leur. OK. Comme les petits pieds en Chine. Comme les petits pieds en Chine, exactement. Hein? Deux fantasmes en même temps. Les pieds et les seins. Ouais. Ça pourrait être une émission à Radio-Canada. Hein? Ouais, continue. Les pieds et les seins. Les pieds. En tant que contraceptif, les femmes utilisaient des excréments de crocodile. Bon appétit, d'ailleurs. Du miel. Le contraceptif? Ouais. Du mercure, à certains endroits. Du mercure, du miel et aussi l'éternuement et sauter vers l'arrière. C'était des façons contraceptives. Sauter vers l'arrière. Wow. Comme ça, tu... Du mercure, c'est extrêmement dangereux. Hein? Ouais, mais à l'époque, on savait pas. C'est comme le plomb, c'est devenu dangereux avec le... Ben, en fait, c'était déjà dangereux, mais on savait pas. La cigarette, plein d'affaires la même, ça arrive. Selon Playboy, okay, y a les, plus de femmes parlent... Tu sais, parlent... Quand tu dis « talk dirty to me », parle-moi des choses... Sexuellement explicites. Ah, que tu parles bien. Parle-moi donc, grivoisement. Grivoisement. Donc, les femmes font ça plus souvent que les hommes. Être grivois. Oh, ouais. Juste 953, l'année 953, okay. Oui, il y avait des années avant 1000, on n'entend pas ce qu'on va parler, mais 1000, c'est bon. 953, la princesse Olga de Russie a introduit une loi où les hommes pouvaient demander de retourner leur femme, dans le fond, un peu comme un remboursement, retourner leur femme, s'ils apprenaient qu'elles n'étaient pas vierges. Ils pouvaient comme... Oh, ouais. Ça brisait le mariage et puis... C'est ça, c'était annulé. C'était on remet ça dans la boîte. Montre-moi pas ta facture. Devinez ce qu'est l'hybristophilie. Aucune idée. Ça, pensez à la chronique de Michel Lebrun, chronique judiciaire, juridique et justice. Là. Non. C'est être allumé par les relations sexuelles avec un criminel. Ah! Oh, Hybristophilie. Oh. Et ben... Syndrome de Stockholm, c'est comme le syndrome de Stockholm. Dans le même genre de famille de choses, j'imagine. Oh. Certains extrémistes hindous, d'accord, mettent des poids sur leur appareil masculin pour l'allonger. Ça doit faire mal, par exemple. Ça doit faire mal, mais il faut se faire être bon. Ouais, comme les coups là, des madames, je pense, en Afrique. C'est où, ça, en Afrique? Ouais, je pense les anneaux qu'on se met dans le cou. C'est hallucinant, ça doit faire mal. Là. Mais t'enlèves les anneaux puis oublie ça, là. Ton cou, ça tombe. Non, mais pour vrai, je pense que c'est ça. Non. La majorité des dindes et des girafes sont bisexuelles. Et on a appris la semaine passée que les girafes peuvent se licher à l'intérieur de l'oreille. Donc... T'sais, la langue dans l'oreille d'une girafe. C'est ça, mais il faudrait avoir un cri de girafe pour ça. Ah, je vais parler à Danny Janvier. Ok, je pense que t'allais m'en imiter un. Non? Qu'est-ce que ça fait une girafe? Ouais. David? Ben, je sais pas. Ouais, ok. Je m'attendais exactement à ça. Les femmes ont plus de chances de se rendre au point final d'une relation. Tu sais ce qu'on appelle, François... Le point G? Non, le... Hein? quand t'es l'orgasme. Ah, OK. Faire l'amour. Faire l'amour. L'orgasme de l'amour, bon. Donc, les femmes ont plus de chances de se rendre là avant ou pendant leurs règles. Et moi, dans ma tête, avant, ça veut dire après l'autre d'avant, tu sais. Fait que c'est pas mal. Mais tu sais, ça dit avant et pendant tes règles. Je sais pas combien de temps avant. Ouais, c'est sûr. Parce que sinon, tu te rends jusqu'à l'autre règle d'avant. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Ce qui fait que c'est après, finalement. Avec, pendant et après. Ouais, mais bon, on peut dire avant et pendant. Plus de chance pour les femmes. Les relations sexuelles peuvent régler les problèmes d'asthme et d'allergie parce qu'on considère ça comme un antihistamine naturel. Les oignons aussi. Oignons, échalotes, c'est bon pour l'asthme. Combiner ça ensemble. Ouais, ça peut être bon. T'as pas une bonne haleine, mais... Non, c'est exactement. Ouais, un peut t'empêcher de faire l'autre. Ouais. En 2004, une femme a été retenue à l'aéroport d'Athènes parce que sa ceinture de chasteté, qu'on dit, ceinture de chasteté, ben oui, a fait sonner les détecteurs de métal. De métal. Ah, bizarre. Il y a encore du monde qui... Je sais pas si les frères Jonas doivent enlever leur bague de purité avant de passer à l'aéroport, je sais pas. Les hommes, en moyenne, vivent 4 à 5... là, j'aurais besoin d'aide, mais je sais pas comment... Hein? Érection? Ouais, ben oui. Mais je lui demande de m'aider, fait qu'il dit directement le mot, mais ouais. Ah, c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, mais j'essaie d'être matinal le plus possible. Okay. J'avoue que c'est pas vulgaire partout. Okay. Et moi, les mots les termes médicaux, je trouve pas ça vulgaire. Non. Si vous, c'est parce que ce l'est pas, c'est des termes médicaux. Non, c'est factuel. En même temps, ça dépend ce que tu dis avec aussi. Là. Oui, aussi, c'est ça. Ouais, exactement. Et j'y vais avec des faits, moi, c'est mon domaine. 3 sur 10 filles adolescentes vont tomber enceintes avant l'âge de 20 ans. Trois jeunes adolescentes sur 10 vont tomber enceintes avant 20 ans. Plus t'as d'orgasme, plus t'as de chances de vivre longtemps selon une étude spéciale de la British Medical Journal. Plus t'as d'orgasme, plus tu vas vivre longtemps. Plus t'as de chances de vivre longtemps. Mais si tu fais une crise cardiaque durant un orgasme, est-ce que ça baisse les statistiques? Tu meurs pas finalement, je pense. Tu vas survivre. Ouais. Ah? J'imagine. Non, je sais pas. Je sais pas. Ah, chérie, je pensais d'avoir fait une crise cardiaque. Non, I'm back, honey. I'm back, bitch. ça veut dire. Ouais, c'est en anglais, personne ne comprend. Oh, ouais, vas-y. Le point G est nommé en l'honneur du gynécologue allemand Ernst Graffenberg. Qui l'a trouvé? Qui est la première personne à l'avoir décrit. Décrit. Ça veut pas dire qu'il l'a trouvé. Décrit en 1944. 73% des hommes de 70 ans et plus sont toujours... peuvent toujours, ça. Sont toujours... Actifs. Pas actifs nécessairement, mais qui peuvent le faire. Ils ont encore... ils peuvent. Yes, we can. Do it right now. Le temps que ça nous prend pour avoir des relations sexuelles, finalement, ça peut varier de quelques minutes à plusieurs minutes, on sait, mais certains mammifères, eux, c'est en quelques secondes. Ils peuvent se lever et entrer, se rendre à l'action directement en quelques secondes. C'est le temps que ça prend avant de te... Parce que l'érection. Je sais que je suis pas assez classe, c'est pas compréhensible. Ah, c'est pas on se comprend, on se comprend. Dans le fond, c'est juste, faut se reproduire, faut perpétuer la race, donc let's go, puis... Let's go comme des lapins. Let's go. Ouais. On peut utiliser le mot masturbation? Ben oui. À la radio, c'est fait. Ça peut vider les... dans le fond, ça peut enlever ta congestion nasale. Un peu comme tantôt, on parlait d'antihistamine pour les relations sexuelles, donc la masturbation, ça peut, dans le fond, vider ton nez. Bon. Hein? Deux pierres d'un coup, comme on dit. Ça vide deux choses maintenant. Au milieu des années 1900, certains pays européens utilisaient les rayons X comme forme de stérilisation. OK. Un parthénologue ou parthénologiste, dépendant, en français, on n'est pas très bien construit. Un gars qui fait des parthés? Non, c'est un gars qui est spécialisé dans l'étude de la virginité et des vierges. Au Moyen-Âge, on revient encore au Moyen-Âge, on croyait que les hommes et les femmes produisaient du sperme. Donc les hommes et les femmes. Et les femmes. Mais les femmes, c'est des... C'est ça? Les œufs, puis sperme, puis les œufs. C'est ça? J'ai retenu mes leçons? T'as pas l'air sûr? Ben, j'ai pas l'air sûr. C'est à peu près ça? Non, c'est quoi? Je sais pas. Colin, François, ok. Mais il faudra en discuter à la cigogne, peut-être qu'elle est dans ce plus. Oui, les feuilles de choux. Oui, aussi. Les bouches aux genoux. Faudrait leur en parler. C'est la nouvelle position sexuelle à la mode en passant, les bouches aux genoux. Ah ouais? Renseignez-vous. Pas du tout. Une punition pour l'adultère par les Romains, c'était. Et François, tu vas aimer ça? D'amputer le nez. Pourquoi amputer le nez? Et pourquoi j'aime ça? Je sais pas, les amputations de nez, non? Ah, écoute, je suis un adepte. Un adepte des nez. Ouais, tout le monde sait ça. Ouch, mon nez, François, fais-toi attention. Mais... Ouch! Excusez-moi, là, ça saigne. Ouais, c'est ça, t'emmènes ça très loin. En Afrique centrale, on demande aux familles de s'abstenir de relations sexuelles alors qu'un membre de ta famille est malade. OK. C'est ce qu'on dit. La masturbation chez les femmes est souvent traitée, elle était souvent traitée, pas aujourd'hui, elle était souvent traitée, en enlevant chirurgicalement le clitoris au milieu des années 1800. C'était une façon de... C'était traité comme ça. D'empêcher ça. D'empêcher c'était ça. Comme mal vu, je pense. Exactement ça. Ah. Pendant qu'une femme est enceinte, l'utérus passe de... augmente de 2 onces jusqu'à atteindre 2 livres. Le poids de l'utérus. 26, 28, ouais, c'est ça. Augmente de 2 onces et se rend jusqu'à 2 livres, l'utérus. Il nous en reste 3 derniers. Les. Comment dire, celui-là les est-ce deux. Qu'on dit? Est-ce qu'il y en a un que je suis allé trop loin, peut-être? Non, non. Non, OK. J'essaye. Hein. Les deux formes les plus populaires de. Tu sais, les femmes aiment se raser. Ouais. À certains endroits. J'imagine. Tu peux imaginer le cas. Les deux formes les plus populaires, c'est le triangle et le cœur. Deux formes qui se ressemblent, en fait. OK, OK. C'est les ben oui, ben, font... là. Ouais. À cet dans les cheveux. Non. Non? Ben, c'est, en anglais, on dirait hair, fait que oui, les cheveux. Techniquement, c'est des poils. Super. Il y a deux muscles, le muscle d'artos et le crémaster, qui sont utilisés. Je vais voir le reste du fait. Qui sont utilisés pour relever les deux billes. Ouais. Dans bas du gars. Là. Les balles. C'est les balles. Pour s'assurer que la température soit toujours un petit peu en dessous ou en deçà de la température du reste du corps. C'est les deux muscles qui sont utilisés pour lever ça. Super. Et pour terminer, et bon déjeuner, l'appareil masculin se rend à ses proportions d'adulte, donc son maximum est atteint à l'âge de 17 ans. Bon. C'était la chronique Kinky Sexy Time Edition! Merci Mathieu! Ça fait plaisir! Merci, merci. Pas trop souvent, celle-là, mais une fois de temps en temps. On va être plus culturé. C'est correct. À cette heure-là, c'est comment? À cette heure-là, c'est... À la fin de l'émission, on est ben, correct là-dessus. C'est bon? Pas si pire. À la fin de l'émission. Parfait. Bon. Hey, OK, c'est ça. Bonne émission. Bonne émission. On se quitte là-dessus et on se retrouve demain matin entre 7h et 9h. François, demain, on est mercredi. Et demain, qu'est-ce qu'on a à l'émission? On a la nouvelle chronique de Maxime Bilodeau. Oui, exactement. À 8h30. Ton entrevue avec Kituna aussi de, pour son nouvel album du merci. Plaisir et des bombes. Ça va être en début d'émission. Maxime Bilodeau, c'est à 8h30 sur la culture sportive. On va goûter à du jus de betterave demain. Arc! Ça me tente pas. C'est bon pour la libido, ça? Hein? Peut-être. C'est-tu un aphrodisiaque? C'est bon. On va le voir avec toi. Hein? Oh, ben, moi, hein, ça, est-ce que ça me prend ça, moi, lover, à tout le matin? Hein? En la ville. Love's in the air. 2 litres en plus. 2 litres. 2 litres? 2 litres? Ah, de jus de betterave, ok, oui. Je vais te comprendre. Je n'étais pas sûr que tu parlais de d'autres choses. On se quitte avec du Élie et Papillon et leur nouvel extrait du Palmarès anglophone, une chanson pour tout dire. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Merci à Maxime Tanguay, merci à David Ferron, merci à Michel Lebrun et à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos gagnants aussi pour les billets de Élie. Oui, tout à fait. Félicitations, c'est Michel et l'autre. Stéphanie Paradis, Geneviève Paradis. Geneviève désolé. Et Michel, félicitations. Il va y avoir d'autres billets aussi à faire tirer ce midi de 11h à 13h dans l'émission Le Dîner de Con avec Danny Janvier. Oui, écoutez restez là. Bye bye. Merci, bye. Raconter les folies que fredonnent les rimes de poèmes griffonnés par les mains d'un musicien qui mélange les accords et forme des mélodies. Une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Elles errent dans les coulisses. Et puis y'en a qui osent dire, sans gêne et à voix haute, les passions du printemps sous les draps. Tandis que d'autres soulagent, inondent les visages, fracassent sur des airs colériques. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire.